partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Black M. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Black M. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle semaine dans Planet Rap. Bienvenue Black M. Yeah. Merci. Comment ça va? Tu es en décalage horaire? Tu es où là? Gros décalage. Je reviens de Tahiti. Tu arrives à savoir ce qui se passe ou pas? Est-ce que tu... Un peu. J'ai l'impression que je dors. Mais tu es dans un rêve. Mais ça va, je suis là. Tu es encore à Tahiti, autour de toi plein de Tahitiennes. Autour de toi, la mer. Je suis là, arrête de me ranger dans ces trucs. Les poissons, les fleurs. Eh, c'était une dinguerie là-bas. Eh, de retour tout droit sorti de Tahiti, monsieur Black M. Pour son Planet Rap avec le CD DVD qui arrive la semaine prochaine. Le 8 juin. Dawala est là, on peut le saluer aussi. Hein. Dawala est là. Il était prêt à faire l'émission, Dawala, parce qu'on ne te voyait pas arriver. On s'est dit peut-être qu'il est resté bloqué. Non, moi j'étais là, moi j'étais pas à Tahiti, j'étais à Paris Plage. DJ HQ est là. DJ HQ qui était à Tahiti aussi. J'étais à Tahiti, ouais. Ça se voit dans les lunettes. Il était à Tahiti, voilà. Est là. Momo est là. Le TN Crew, il y a du monde. Tiens, Black M, c'est ton casque. Tu peux bien le mettre. La casquette à l'envers. Toujours cette éternelle casquette à l'envers, quoi. Hop, je la mets à l'endroit. C'est toujours le vrai problème, en fait. Bon, comment ça va? Ça va très bien, écoute, on est là, on tourne, c'est la tournée. Tournée interminable. Tournée incroyable, non? Interminable, je l'appelle interminable. Mais interminable dans le sens où toi aussi t'en as marre ou... Non, pas du tout, t'es malade. Ou alors c'est plutôt un bonheur d'être chaque soir pratiquement sur scène. C'est un gros bonheur de défendre tous les soirs son projet qui fonctionne encore après un an de sortie. C'est un gros, c'est une fierté de ouf de pouvoir encore partager des moments de scène avec les gens. Et sur scène, j'ai eu la chance de te voir à l'Olympia, c'était il y a quelques semaines de cela. Lequel, le premier ou le deuxième? Le premier soir. D'accord. C'était le premier soir, c'est le tout premier soir de cet Olympia. Ouais. Où il y a quand même, voilà, il y a une magie qui se passe, quoi. Les musiciens, enfin, ça joue, il y a. Ouais, il y a une mise en scène, voilà, tu passes un bon moment, quoi. Tu vois pas le temps passer pendant le concert. Un gros show, quoi. C'est le but. Très, très gros show. Non, et puis on voit au plus que tu prends plein de plaisir. Ça sent. Ouais, à fond. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de. Bah non, parce que le show, il est rodé depuis, il est vraiment bien travaillé. Les hésitations, elles étaient plus là au début. Et là, franchement, tout roule. On est en synchro avec les musiciens, mon backer Abou de Beng, Shin Sega qui m'accompagne sur scène, Linda Sherazade qui fait la première partie, et le DN Crew qui sont là aussi, les danseurs. Les champions du monde et champions d'Europe. Ouais. Ah, vous êtes champion d'Europe? Respectez-les. Ah, les mecs sont champions européens. Non, mais c'est vrai qu'il y a des danseurs, il y a des musiciens, il y a des, voilà, il y a des moments jacksoniens sur scène. Ouais. Des moments incroyables. On va pas tout. C'est un gros show. C'est un gros show et qui continue. Parce que là, je suis en train de voir les dates. Les prochaines, par exemple, c'est à Boulazac, au Palio, le 12 juin prochain. Et ça va jusqu'au 29 novembre au Zénith de Nantes, quoi. Zénith de Nantes, ouais. Et après, on enchaîne avec l'Afrique, normalement. C'est-à-dire juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Voilà. Ouais, interminable en fait. Interminable, elle dure toute l'année. Et puis pour être interminable aussi, c'est donc la sortie lundi prochain, CD, DVD de Black M qu'on va pouvoir découvrir cette semaine entre 20 et 21. Yes. Et on va se plonger dans un petit medley de Black M, de tout ce qu'on aime de Black M, ça donne ça. Planet Rap. Wesh Fred, dis-moi à quand mon planet. Tout le monde dit Black. Hein, j'ai dit tout le monde dit Black. Toi, c'est le Big Black M que tu compares à cette enfoirée de Mikey Mouse. Même pas on sort du lot à la peau. C'est Black M. Planet Rap. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oh, il faut que t'aies la plus. Oh, je l'ai fait. Je suis en malin, je fais comme si je connaissais personne. Mais tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Spectateur d'un film gore, et je t'avoue que la suite est mes frères. Spectateur, une vie trop courte, si je pouvais réellement la refaire. Ramenez-moi vos rois, je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois, je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos émirs, je vais remplir tous vos élites. Ramenez-moi vos émirs. Hey, tu fais quoi là? Vas-y, là. Vas-y, vas-y, pose-moi. Ouais, tu fais la jao, tu check mon fun. Viens pas me les casser ou je jette mon fun. Oui, je fais la jao, je check ton fun. Et si t'es pas content, bah vas-y, jette ton fun. Planet Rap. Wesh Fred, dis-moi à quand mon planète. Votre playlist n'est pas net, Shady va tous vous carner. Présent depuis des années, mon concurrent n'est pas né. Les anciens ne peuvent pas nier. Amenez-moi un verre de Wattibule. J'ai soif. Ok, ok, c'est Big Black M sur Skyrock. Les gens me regardent bizarre. Comme si j'étais coupable. Les gens me regardent bizarre. Et j'ai tellement peur au final. Planet Rap sur Skyrock. Je demande où est-ce qu'il va encore pouvoir passer l'hiver. Si je le pouvais, je le mettrais simplement dans la poche de Gulliver. Oh. Je n'ai pas des punch, je n'ai que des black lines. Si y'en a une qui te parle, Harry back là. Je n'ai pas des punch, je n'ai que des black lines. Si y'en a une qui te parle, Harry back là. Skyrock. Et cette foutue mélodie vient du fond de mon hall. J'ai dû l'entendre à la radio. Faudrait sûrement que je vois un médium. Car chaque fois ça recommence, peu importe où je me trouve. Cette foutue mélodie n'a qu'une envie, c'est de nous diviser. Skyrock, Skyrock, Skyrock. Doucement cousine, ne casse pas ton dos. Mais vas-y doucement cousine, ne casse pas ton dos. Ça va. Doucement cousine, ne casse pas ton dos. Mais vas-y doucement cousine, ne casse pas ton dos. Ça va. Vous êtes prêts? On est sur Skyrock là. Skyrock. Allez madame Pavoshko. Non, j'suis pas en prison à l'hosto. Non, j'fais des hits madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent madame Pavoshko. Et ça fait solo, tête sous l'eau. J'me suis dit c'est le moment sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Oh yeah. Ils sont trop nombreux. Oh yeah. On peut pas tous les citer. Mais bon, j'peux t'en citer quelques-uns. Oh. Madonna, Jimi Hendrix, les yeux plus gros que le monde plus gros que mes yeux. Big Black M sur Skyrock. Yeah, yeah, I Planet Rap sur Skyrock. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Black M. Black M pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap Black M. Voilà un petit aperçu de Black M et on aurait pu continuer encore longtemps. Ouais, à l'instant, ce medley. Il y a eu pas mal de sons durant cette année, l'année dernière, pardon. Et j'ai entendu un petit extrait de Black Shady. Je vais en profiter pour dire que le clip de Black Shady sort jeudi à 20h sur nos réseaux. Donc jeudi 20h. Ouais, Black Shady partie 3, jeudi 20h. Restez branchés. Bon, c'est la première info, il y en aura plein d'autres. Évidemment, la tournée continue. Lundi prochain sort le CD, DVD. Mm-hmm. Et c'est intéressant en plus, parce que c'est vrai que maintenant, surtout dans l'industrie du disque, c'est très rare d'avoir les captations live des concerts. Grave, ouais, ça fait un moment. Bah, la dernière captation que j'ai vue, moi, c'était Bercy. Ouais, de Section. Après, Section, ouais. Section, ouais. Après, c'est quand les projets ils fonctionnent bien, bah, automatiquement, les gens ils ont envie d'avoir un DVD pour le garder. Ça va. Tiens, d'ailleurs, on va lancer un petit jeu cette semaine. Vous qui avez été au concert de Black M, parce que j'ai eu plein de dates, t'as compté en spectateur combien ça représente ou pas? Tu sais à peu près combien ça représente? Impossible, une fois on m'a dit le chiffre, mais c'est un truc énorme, hein. Je crois qu'on est. Trop de monde. Milliers de spectateurs, hein. Centaines de milliers de spectateurs, hein, je crois. Centaines de milliers. En plus que là, la tournée elle continue, donc il faudra rajouter. Donc en tous ceux par contre qui ont déjà vu la tournée de Black M, venez nous raconter un peu vos anecdotes, vos souvenirs de Black M, ce que vous gardez de cette tournée de Black M. Envoyez un petit message avec le hashtag Black M sur Skyrock ou au 41759. Voilà. On vous rappellera d'ici quelques minutes. Vous êtes entêté. Pour partager ces moments que vous avez aussi partagé avec Black M. Et on débute avec un extrait du live peut-être maintenant. Ouais, on va se mettre Madame Pavoshko en live. Allez, pour se replonger sur la tournée de Black M en live, Madame Pavoshko, tout de suite. Olympia, Olympia, attention, ce soir, le concert le est filmé. Dans les bacs. Ce soir, le concert est filmé. Le DVD va sortir. S'il vous plaît, je veux voir tout le monde. Viens au concert, tu vas t'ambiancer. Allez madame Pavoshko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je peux deux hit madame Pavoshko. Et vos gosses me hit madame Pavoshko. Oui, oui, oui, oui, oui, madame Pavoshko. Je suis toujours dans l'inspire madame Pavoshko. C'est pour mes gars sous oui, madame Pavoshko. Did you HQ? Oui, madame Pavoshko. Tout le monde fait solo, tête sous l'eau. Je me suis dit vous vous souvenez de moi, le petit Renoir qui grattait des couplets de bar. Je crois que le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait qu'on m'a poucave, d'où M-Snipe. Ma vie, les cours, oui, je m'en bats les. Oui, je sais, c'est dommage, du coup. Tout le monde se fout. Madame Babosco, non, je suis pas en prison, Wolosto. Non, je veux de il, Madame Babosco. Et vos gosses me disent, Madame Babosco. Oui, Madame Babosco. J'ai toujours autant d'inspiration, Madame Babosco. C'est bon, les gars, sous oui, Madame Babosco. Si vous voulez, on se fouille, Madame Babosco. Et tout le monde, solo et sous le. D'aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma tête et j'en ai fait une vraie chorale. Toi tes épaules dans ton bureau, tu me dis va rigoler. Et moi au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Dès que leur guerre se croise, hop, adrénaline. Ah oui, je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. J'analysais un tépan, me couplet ou n'a kikiké. Tout le monde saute. Madame Babosco, non, je suis pas en prison ou au losto. Non, je fais de hit, Madame Babosco. L'entrée du TN Crew. Et ça, tu peux le voir que si tu pètes ce DVD, mince, chababi. C'est pour mes gars, sous-win, Madame Babosco. Si vous voulez, on win, Madame Babosco. Je me suis juré qu'un jour, vous danserez sur mes sons. À une époque, je voulais me procurer un Smith & Wesson. Une petite voix me chuchotait, vas-y, tire sur l'école. Ça prend une petite anecdote, la directrice et l'école. Pourquoi seconde surveillant me demande de vider mes poches? On est pas au poste de police et moi, je suis fidèle au poste. Mettez-moi vos heures de colle, même allez prévenir vos collègues. Vous avez qu'à être en colère. Et tout le monde fait. Je veux vous voir taper dans vos mains l'Olympia. Hey, je répète, ce soir, en exclusivité, le DVD de l'Olympia. On veut le feu ce soir, attention. Tout le monde saute. Aïe, Madame Babosco, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je veux le hit, Madame Babosco. Et vos gosses me hit, Madame Babosco. Oui, Madame Babosco, j'ai toujours autant d'inspire, Madame Babosco. C'est pour mes gars sous oui, Madame Babosco. Si vous voulez, on se win, Madame Babosco. Et nous l'avons de fait. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais le braille. De classe les profs disaient que tu faisais partie des plus nazes de l'école. Jette ton cahier mille fire, fire. Mille fire, fire. Et si pour toi un avertissement n'est autre qu'une excuse de plus de divertissement. Jette ton cahier mille fire, fire. Fire. Tout le monde. Hey. Oh, chez toi. Hey. Oh, chez toi. Hey. Et dans ta caisse. Hey. Oh, et dans ta caisse. Hey. On travaille. Le 8 dans les bacs. C'est le 8 juin dans les bacs. Yeah. Alors ça fait quoi de s'entendre? Parce que d'habitude tu le vis ce moment là en fait, t'es sur scène. Ouais, je le vis d'habitude, mais tu sais, nous on regarde beaucoup nos lives pour essayer de perfectionner le show à chaque fois. Donc c'est quelque chose que... Que t'as déjà vécu. Ouais, que j'ai déjà vécu. En écoute ou au moins... Ouais, en écoute ou en re-regardant la vidéo. Et d'habitude c'est plutôt positif. Si Daola est valide. De mettre des seringues ici. Bon là en tout cas le son est bon, hein. Les gens aussi regardez, sont contents de voir que ça va sortir en live aussi. HQ, il y a des backers fous dans ce ah bah DVD. HQ t'entends la voix d'HQ. Fire. HQ est magnifiquement d'ailleurs perché sur cette tournée en hauteur, hein, il surplombe. Il est bien, il est posé. Et allez voir parce que la tournée, donc je disais, reprend le 12 juin ici, mais elle continue un petit peu partout jusqu'au mois de novembre. Donc toutes les dates sont sur les réseaux sociaux et puis on vous les filera aussi dans la semaine évidemment. Yes. Et je le disais, si vous aussi vous avez participé au concert de Black M en vous rendant à différents concerts, et c'est le cas de Jordan, bah, venez témoigner à l'antenne. Jordan, lui, était à Saint-Etienne le 26 février. Salut Jordan. Salut tout le monde, bien l'équipe. Ça va bien? Salut mon pote. Ouais, nickel, toi aussi? Eh bah écoute, on va bien. On a retrouvé Black M, ouais. Il est là. Hier, ça va? Ouais, nickel, toi aussi. Bon, cool, tu as retenu CD, DVD du concert, ça sort la semaine prochaine, lundi prochain. Hein. Ouais, le 8 juin, nickel, j'ai retenu la date. T'as pas... Yes. Et alors, qu'est-ce que t'as retenu du concert? Toi, t'as vu Black M le 26 février dernier, qu'est-ce que t'as encore en tête, Jordan? Ouais, franchement, toutes les scènes, c'était un concert du top. Donc, Le voir en vrai, c'est encore mieux que l'écouter comme ça par musique, comme ça. C'est... Merci frérot, c'est gentil. Il assure, franchement, il assure et il le mérite. Et franchement, du top. Bon, merci beaucoup. Il s'est passé un truc, Jordan, aussi, pareil. Est-ce que toi, pendant le concert, il t'est arrivé, je sais pas, de rencontrer une nana? C'est pas arrivé, c'est des choses qui arrivent dans les concerts. Non, parce que ce soir-là, je suis avec ma copine, avec mon cousin. Donc, oui, vaut mieux pas trop bouger là. Donc, ouais. Il faut éviter, ouais. Parce que si tu bouges un peu trop, il y a le cousin qui arrive derrière, c'est tendu, ok. Ouais, un petit peu, Donc, super moment avec Black M sur scène le 26 février dernier. Ouais, franchement, nickel, du top. Hein. Merci. Tu continues comme ça et. Merci. Et ben, pour revivre tout ça, la sortie, c'est lundi prochain, le 8 juin. 8 juin. Est-ce que Donia, qui elle a été au concert de Paris le 21 avril, tiens, c'était la première date le 21 d'ailleurs. 21 quoi t'as dit? Avril. Ah, Olympia. Ok, Olympia, ouais. Ouais, c'était la première. Eh ben Donia, on est ensemble au concert. Comment ça va Donia? Ça va et vous? Eh ben en pleine forme. Donia! Donia! Ah bah oui, Donia, oui. T'étais où toi alors? T'étais placé où? Tu l'as vu près? J'étais ouais de près, sur le côté droit de la scène, dans la foule. C'est toujours là, hein, toujours. C'est qui gagne? Il y a un moment d'ailleurs, vous séparez le public en deux. Ouais. Je sais plus quel côté a gagné d'ailleurs. Ah ouais, bah c'est, oui, c'est bah toujours bien le sûr, côté le de côté Black. Qui a gagné, bah oui. Toujours le côté exactement. De Black. Exactement. C'est jamais le côté de Dadju. C'est bizarre. C'est vrai en plus. À aucun moment il y a une exception. Non. Non, je rigole. On perd souvent. C'est vrai. Je vais être un bon. Je vais pas être mauvais joueur. Bon, Donia, toi, qu'est-ce que tu retiens du concert de Black M? Bah franchement, c'était une tuerie. Je conseille vraiment à tout le monde d'aller le voir parce qu'il est en harmonie avec son public. Il fait monter des personnes sur la scène. Je me rappelle à ce moment-là, c'était une petite fille qui m'a avec la petite casquette Watibé. Une petite fille, ouais, une blonde. Ouais, une petite, voilà, exactement. Elle est venue à la radio en plus. Franchement, c'était une tuerie. Avec les mêmes chaussures que Linda Sherazade d'ailleurs. Yes. Ah ouais, bah, t'as tout repéré, Donia. J'ai tout repéré. Ouais, c'est vrai. Et je voulais lui dire aussi félicitations pour son disque de diamant. Merci beaucoup. C'est grâce aux gens comme toi. Qui a été remis aussi, ouais, d'ailleurs, sur la scène de l'Olympia. De l'Olympia par Dawala lui-même. Mmh. Bah ouais. Avec un très beau discours, je t'en remercie, Dawala. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Non, franchement, il assure et j'espère que ça va continuer comme toi, ça. Toi, t'étais avec qui au concert alors, Donia? J'étais avec une copine à moi. Voilà, à deux nanas et vous avez passé un super moment. Exactement. Ah bon, Donia, non, bah, big up à Black M et dédicace à ma copine avec qui je suis venue. Yes. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Céline. Céline. Et qu'est-ce qui te fait rire comme ça, Donia? Je te sens toute bizarre, toute tremblotante en rigolant là. Qu'est-ce qui se passe? Non, même pas, c'est parce que je suis dans la rue et je rencontre des gens que je connais et de ma gueule. Ah, c'est ça, je me dis bien aussi. Ouais, voilà, bon, on te laisse ça. Avec tes potes, on te fait un bisou. Merci, Donia. Merci à vous. Ciao. Envoyez aussi vos réactions avec le hashtag Black M sur Skyrock. Est-ce qu'on met un morceau Black M maintenant? Ouais, du live. Bah si tu veux, du live ou de l'album. Vas-y Dawala, tu dis quoi du live? On va voir si tu connais bien le CD. Du live. On met quel morceau tu veux? Essaye pas, il a pris discrètement. Il y a pas marqué. Non, il y a pas marqué. Vas-y, dis un morceau comme ça. Tu veux lequel? Je sais pas, comme tu veux. Ça cherche à souffler. On va voir, je réfléchis, on va mettre où il y a les beaux gosses qui sont dedans. C'est qui? À ton avis. T'es un con? On se fait du mal? Vas-y, on se fait du mal. Ah, on se fait du mal, ouais. C'est aussi pareil, c'est un grand moment de ce concert avec Black M. Il n'y a pas que le TN Crew, il y a le Hey Crew aussi sur scène avec nous. Big up à eux. Et on écoute donc ce morceau, c'est extrait du live qui sort lundi prochain, le 8 juin. Loupez pas sorti, c'est des DVD pour revivre ou vivre tout simplement l'ambiance du concert de Black M. C'est parti. Tapez dans vos mains. 1, 2, 2. Mon refrain, je suis désolé. J'aurais aimé te rendre la monnaie. Gêné, je pense à tout ce que tu m'as donné. Ces moments durs où tu m'as épaulé. J'étais pas le seul, t'étais à mes côtés. Personne m'entendait, toi tu m'écoutais. La suite fait mal, je me tais, tu la connais. Fallait que tu saches que je suis. Tout le monde, on se fait du mal. J'entends. Dédicace à Karim à la batterie, quel génie. Aïe. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du. On se fait du quoi? On se fait du. On se fait du quoi? On se fait du mal. On se fait du mal. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah J'avoue ton cœur il est cambriolé. J'sais que ton intimité s'est fait violer et que je n'ai pas su te consoler. Je t'aime tellement que je pourrais te dévorer, mais dans ta vie je ne sers qu'à décorer. Le silence nous a éloignés, les cris de nos disputes peuvent en témoigner. On se fait du... Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du... Avant que nos cœurs explosent, on se fait du mal. Olympia, est-ce que vous êtes toujours chaud? On se fait du quoi? On se fait du quoi? On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. Merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir. Attention, ce soir on va transpirer. Je veux voir tout le monde debout au fond. À mon top départ, tout le monde saute. Vous êtes prêts? Oh, tout le monde saute. Arrêtez, arrêtez, arrêtez, tout arrêtez. Arrêtez, on se fait du mal. Arrêtez, arrêtez, arrêtez, tout arrêtez. Arrêtez, on se fait du mal. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, tout arrêtez, arrêtez, on se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. Arrêtez, arrêtez, arrêtez, tout arrêtez, arrêtez, on se fait du mal. Le concert à la tournée de Black M et le CD DVD qui arrive le 8 juin. Vous retrouverez ce morceau. On se fait du mal. Tu pourrais pratiquement t'asseoir pendant le morceau aussi. Hein. T'as dit quoi? Tu pourrais pratiquement t'asseoir pendant le morceau. Tellement les gens chantent. J'avoue, tout le monde chante, tout le monde s'ambiance. C'est tous par cœur. C'est une dinguerie ce morceau-là. En plus, il arrive tôt dans le concert et il met une grosse pêche dès le début du concert. Il y a beaucoup de choses que t'as ajusté d'ailleurs par rapport au tout début de la tournée. Par rapport au premier Zénith, ouais. Mmh. Ouais, c'était un peu fouillis au début parce que j'étais encore habitué à être avec Section d'Assaut sur scène. Donc j'avais mes habitudes de feignant. Tu faisais rien, tu te plantes sur un coin et tu dis bon, j'attends mon tour. Et là, non, je dois faire tout moi-même. Et voilà, c'est du travail en plus. Donc forcément, ça se voit. Il y a eu quelqu'un qui a travaillé justement sur la mise en scène avec toi, avec qui t'as bossé? Non. Sur l'enchaînement des morceaux? Entre nous, dans l'équipe, ouais, entre nous, moi, Boudelbeng, les gens entre nous. HQ, t'as Boudelbeng. On n'a pas appelé un mec spécialiste en ça. D'ailleurs, on peut saluer aussi que ce soit Shinsekai ou Boudelbeng, qui ont un rôle super important aussi. Mais de fou, malade. Shinsekai, ils sont en préparation de leur premier album. Exactement. Très important. Surtout pour le label Watibé. Ouais, leur album Indéfini qui arrive bientôt dans les bacs. Je pense qu'ils vont passer cette semaine. Sûrement, ouais, sûrement. Je pense qu'ils vont passer et faire écouter. Ils devaient passer aujourd'hui, mais ils sont partis plutôt. Demain, on est au Maroc. Ils sont partis avant nous. Ah oui, les mecs se mettent. C'est pas fin. T'imagines le truc quand même. Festival, un ma voisine. Au Maroc, et on revient et on repart. Bon, c'est bien, ça doit être une belle victoire. C'est un truc que tu dois savourer aussi. Tous ces voyages, toutes ces rencontres, tous les gens différents. De fou, grave. Je m'attendais pas à ça, vraiment. Et tant que ça marche, j'en profite au maximum. Mmh. Ben voilà, un petit point d'ailleurs, les chiffres de Black M. Qui sont, je m'adresse vers le producteur parce que c'est vrai que. C'est vrai que cet album, c'est un des plus gros cartons de l'année précédente. Ça continue encore cette année. Tout à fait. Avant, il y avait Gims. Là, c'est vrai qu'au début du projet de Black M, on se disait, bon, si on arrive à 150, 200, c'est très très bien. Ça sera très très bien. Aujourd'hui, il a fait disque de diamant, mais je pense qu'il va aller encore plus loin avec le DVD. Le DVD, il est super lourd et il est motivé. Et en plus, je vois qu'il a envie encore de travailler. J'avais peur, je me suis dit, c'est vrai qu'avec la section d'assaut, il avait une habitude où là, aujourd'hui, c'est lui qui doit tout prendre en main. Et là, ça me fait plaisir parce que je vois, même s'il a maigri, je vois qu'il a envie jamais été, encore. Il n'a jamais été très enveloppé. Hein. Il a maigri. Moi, je suis de la catégorie PDG, moi. Ouais, je vois. Ah, Dawala qui est tout content. Il a maigri, c'est bien. Quand il maigrit, c'est un bon signe. Ça veut dire ça bosse. C'est que ça mouille le maillot. Le maillot du Wa. Non, bah, c'est par bien. Par contre, hein, Dawala. Non. Moi, je travaille. Dawala lui fait grossir. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a un truc. Cher, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc qui est suspect. À l'époque, je te connaissais. Il a dit. À quelle époque? Pour son ghetto. Ah, mais c'est normal. Pour son ghetto. Les gars étaient maigres comme ça. Pour son ghetto, je marchais. Je marchais de Paris à Cergy à pied. Là maintenant, je suis en voiture. Avec chauffeur. Non. Non, voilà, on est non mais voilà pour revenir sur ce carton. C'est, alors juste pour parler pour dire un mot parce que c'est vrai que maintenant t'entends un peu tout disque d'or, disque de platine, disque de diamant. Là, ça représente quand même plus de 500 000 albums vendus hein, pour Black M, ce qui est énorme dans l'industrie du disque aujourd'hui. Supra rare. C'est difficile. Il y en a un ou deux qui peuvent faire. Et ça toujours confondu. Hein, voilà. Ouais, quand on prend tous les gens, que ce soit la variété, le rock, machin, ouais, le rap, c'est très rare d'arriver à des chiffres aussi importants que ça. Ouais. On a la chance d'avoir autant de bons artistes dans le label Wachibé. Et voilà, aujourd'hui Black M c'est un exemple pour tous les artistes du label Wachibé. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il aide aussi les jeunes qui commencent. C'est important sur les premières parties ou même en collaboration avec le TN Crew qui est là aussi depuis très très longtemps. Donc on est très très contents. Tous les gens qui travaillent autour du label Wachibé sont fiers d'avoir un artiste aussi fort que Black M. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Black M? On est en TT. On est en TT. Ah, c'est ça, parce que j'ai vu qu'une info arrivait dans ton oreillette. Donc Rajatou. Ah, c'est Raja qui a balancé l'info. Ouais, bah, balancé. Nous sommes donc en TT. Bravo. Merci à tous. Bravo, merci. Continue à balancer. Tiens, on va d'ailleurs continuer avec le hashtag Black M sur Skyrock. Si vous voulez des t-shirts, des magnifiques t-shirts. Continuez. Vous nous racontez une petite anecdote, un petit message sur la tournée de Black M avec le hashtag Black M. Un petit truc. Sur Skyrock et vous repartez avec ces t-shirts. Les gens du côté droit, du côté gauche. Vous allez-y, êtes où, en concert 41759 ou le hashtag Black M sur. Qui a vu mon moonwalk? Ah. Très beau moonwalk. Allez-y, balancez et on revient juste après ça. Quoi? C'est Black M, notre invité. À l'instant, il y avait le son de Fetty Wap pour Trap Queen sur Skyrock Rap R&B en non-stop avec Black M et le Planet Rap spécial Black M, cette tournée. Le 8. Qui continue cette tournée bien plus grosse que tes yeux. Les yeux plus gros que les Zénith. Les yeux plus gros que les Zénith. L'Olympia. Les yeux plus gros que l'Olympia. Que l'Olympia, c'est la captation qui sort le 8 juin. C'est des DVD. D'ailleurs, je vais vous laisser quelques minutes pour aller tout de suite sur le skyrock.fm. Vous allez pouvoir découvrir les premières images. On va balancer live. En live. Live avec, de la légende. Avec les images qui vont avec. Donc, allez tout de suite sur le skyrock.fm. Regardez l'émission maintenant. Ou alors, prenez aussi l'application Skyrock. Vous avez quelques minutes pour la télécharger. Elle est gratos. Et vous verrez donc les toutes premières images de l'Olympia de Black M. Exclu. Dépêchez-vous. Ceux qui n'ont pas les images auront le son, bien évidemment, dans un instant. Juste avant, c'est Robs de Paris qui nous appelle. Salut Robs. Salut, comment on va? Et toi? Ça va, on est là. Salut Black M, ça va? Salut mon pote, bien et toi? Ah ouais, on est là tranquillement. Cool. Bon Robs, tu es posé? Ouais. Tu es prêt à rapper? On est toujours prêt. Mais Robs, à chaque fois que tu passais en freestyle, t'étais pas de La Réunion d'habitude, Robs? Je me trompe ou pas? Bah si, toujours, on représente toujours La Réunion. Oui, Bordeaux, La Réunion, mais là t'es sur Paris en ce moment, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Mais là maintenant j'habite en région parisienne, à Nogent-sur-Marne, dans le 94. Et tu connais bien Sainte-Clotilde, forcément, à La Réunion? Comment? Tu connais bien Sainte-Clotilde à La Réunion? Bah ouais, je connais. Eh bien, sache que Black M, il sera le 8 août. Ah, c'est bon. Les 8 août. mais en fait, je repartirai de La Réunion le 9 août, donc ça va être Eh bah, le 8, juste. Tu repartiras avec le son de Black M dans les oreilles. Parfait. Parfait. Le 974 à Sainte-Clotilde de La Réunion, au parc des expos et des congrès Auguste Le Gros. Il y aura donc nickel. Le 8 août 2015. Black M qui vient d'apprendre la date. Tu viens d'apprendre que tu seras à La Réunion le 8 août, salaud. C'est bien. Non, ça me revient. Il va passer un bon séjour. Ouais, je pense. On a déjà été en Réunion, c'est lourd à chaque fois qu'on y va. T'inquiète. Tu vas encore passer un plus lourd séjour. Yes. Allez, Rob, c'est parti. Session freestyle par téléphone, on t'écoute. C'est parti. Yeah. Wow. 974 La Réunion, t'inquiète, ok. 1, yeah, ça fait 1. Y'a ce climat lunaire en hiver, l'atmosphère ne possède plus terre. La terre me donne de mal de mer, ça j'ai besoin d'un somnifère. Si tout paraît si éphémère, moi ça sert de faire la guerre. J'pense à mon père et à ma mère, car de moi je veux qu'ils soient fiers. J'enfile la chemise et la cravate pour rejoindre un monde parallèle. C'est la surprise, j'me prends des claquants de haut, y'a trop de paramètres. Un univers dominé par des coups, couteau dans le dos, coûte que coûte. Les gens posent, déjà implosent, et puis j'pose quelques vers au couplet. Quelqu'un peut-il m'arrêter? Interminable débat sur la liberté s'exprimer. J'engloutis des litres, donc sans faire attention à ma ligne. sous la couette, je me bloque, j'ai besoin de peur que la mort me fasse un signe, je veux pas peine, soit marginal, mon rêve soit primordial, mon rap est viscéral, je suis bloqué dans une spirale, je veux donner de l'amour, de la joie, de la vie, car je respire, je veux que les communes t'audissent, mais non, je vois que la force qu'on inspire, je puise de la se fort, j'essaie de faire des efforts, j'implante le décor pour que tu comprennes ce mort, putain sur mes textes, la fin donc maintenant en tournant, les temps s'arrêtent brusquement, stop le battement, pourquoi? C'est le bordel dans ma tête, négro. Hein, c'est le bordel dans ma tête, négro. Rappeur, artiste, poète. Yeah, 974 La Réunion, t'inquiète. Lourd. Robs, terrible. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir ouais, sur le son de casquette à l'envers d'Awala? On va lui offrir une casquette. Hein. Casquette à l'envers. Une casquette dorée comme la tienne. Ah non, celle-là, c'est celle du boss. Ah merde. Un poteau. En croix. On va lui donner blanc et noir, simple. Très bien. Aïe. Classique. Je reconnais bien ton sens des affaires. Voilà. Ah, félicitations. Franchement, c'est lourd. Bah, bravo à toi. Petite dédicace, on peut te retrouver où? Vas-y, balance les infos. Bah, moi, sur Facebook, ROM'S974. Sur YouTube, là même, il y a les clips. Check-moi, La Réunion. Voilà, il y a les petits freestyles, ben voilà, faut faire tourner, faut partager le mouvement, on est là. Et ben merci à toi Robs. Yes. Merci. À bientôt, ciao Robs. Bon, on met les premières images et on les balance sur le skyrock.fm. Branchez-vous tout de suite sur l'appli Skyrock, branchez-vous, skyrock. Découvrez le Planet Rap en live. Et puis pour tous les autres qui n'ont pas les images, il y a le son évidemment. C'est le morceau La Légende. La Légende, le côté légende. Gauche ou le côté droit. Allez, c'est parti. Choisis mon Gava. Ah. Ça parle chinois. Ah. Non, c'est HQ, on est encore loin là. Jibi, mon gars, su. Okay. Hey, tout le monde debout. Au fond, levez-vous. Tout le monde se lève. On va régler ce truc en musique. Est-ce que vous êtes sur budget? Docteur Bélise. Dadju, t'as choisi le mauvais côté. Hello Bélise, comment vas-tu depuis Wadi? Comment leur dire que c'est moi le king? C'est moi qui vous dicte le chapitre. Rêveur, on me dit je suis GP, mais le Big Black M il a ses pères. Et on dit que la chute elle est sévère, mais le débrouillard il s'est fait. J'ai le sang du daron de la Guinée, comme j'ai le sang d'un rappeur qui s'est kické. Je me fous de vos idoles, ce n'est pas eux qui me donnent le ballon. Je suis pas dans les délires, elle est quand le soleil frappe, je suis plutôt gros son pour les refrains. Il faut que tout le monde chante. Quand il chantait, il faisait la vie. Et avec ce mélodie, on oubliait la crise. Pour ne pas se prendre la misère, si soit dur. Pas besoin de cogiter, t'as déjà dit. Sans pour autant vouloir être programmé, m'en voulait pas d'avoir innové. En tous vos sons me donne la dose. J'étais au tiers car souvent je voulais que personne vienne me causer. Je voulais juste dream et me sauver. Fuck l'intérim, je préférais chômer. Beaucoup m'ont dit que je finirais. J'avais que section pour mes. J'étais souvent dur et en. Oui, je n'aimais pas le système scolaire. J'avais du mal avec les. Et mes ennemis, je disais, je les aurais. Je ne suis pas là pour découvrir nos renouveaux. Mais on disait qu'il avait trop de et ça, c'est rien. J't'ai pas tout dû. Pas besoin de cogiter, t'as déjà dit. Quand il chantait, il faisait la bime. Et avec ce mélodie, on oubliait la crise. Pour ne pas se prendre la visée, ainsi soit-il. Yo, pas besoin de cogiter, t'as déjà dit. Ma musique et mon style, pour m'en sortir, j'ai du transmettre ma peine sur petit comme mon cas. Si j'ai les yeux, c'est plus gros que le monde, c'est que j'ai dû voir ce qu'ont vu tous les grands de ce monde, n'est-ce pas? J'ai que ma gueule, ma musique et ma style, pour m'en sortir, j'ai du transmettre ma peine sur mes petits comme mon gars. Mais on disait qu'il avait trop de style, avec qui m'en dit, tu es volé, il est à tout. Stopper, je pense. On va pas dévoiler la fin. Allez, stop. Ça sortira le 8 juin prochain. 8 juin. Et c'était Black M sur Skyrock. Avec le DVD, on a balancé là, les toutes premières images en exclu là sur skyrock.fm, yes. Sur l'appli Skyrock, ça continuera cette semaine encore. Et c'est combien en tout d'ailleurs sur la tournée? Il y a du monde quand on revoit les images là, il y a... J'en ai beaucoup, on est combien HQ? Dis-moi, on est combien? Toi, tu connais toi qui fais les comptes? 17. Ouais, 17. Ouais, 17 un peu plus que 17, ouais. Non? Avec la technique et tout. Les musiciens, les danseurs, la technique. Il y a deux tourbus. 50 tourbus. Ils connaissent ça pas. Il dit 17. T'as dit combien? 50. Ah, 50. Il est décidé d'un 17. 50, tu les comptes quand tu comptes les salaires, non? C'est vrai, t'as voilà. 17, c'est quoi ça? C'est quoi 17? 17, c'est juste les artistes. Non, c'est juste les artistes en fait. Ah oui, sur scène, sur scène, sur scène. Deux tourbus de 17 en fait. Voilà. Et puis il y en a un autre derrière. Il y a combien de tourbus en tout? Il y a deux gros tourbus qui sont blindés. Et les mecs de la sécu. Et qui continuent leur tournée. D'ailleurs, les prochaines dates, je vous les file, c'est le 12 juin à Boulazac, le 13 à Clermont-Ferrand au Zénith. Le 22 juillet, ce sera à Montauban. Le 23 juillet à Cognac. Le 24 à Bayonne. Le 25 juillet à Brive-la-Gaillarde. Le 26 à Nîmes. Le 30 juillet à Vienne. Le 31 juillet à Carcassonne. Et puis les autres dates jusqu'au mois de novembre, on vous les filera durant cette semaine. On a le temps. HQ, est-ce que tu veux bien regagner ta place si ça ne t'ennuie pas? Parce que nous allons maintenant. HQ. Nous allons quand même vivre un petit peu de live. Je sais qu'on te prend un peu à froid parce que tu arrives. Je refuse jamais au live. Tu arrives de Tahiti, il faut le rappeler. Il y a quelques heures encore, tu étais dans le lac. Big up aux Tahitiens. La première fois où tu es allé là-bas? La première fois. J'ai déjà oublié comment on dit bonjour, je voulais bière. Oh merde. Dis-le en. Comment tu dis toi? Oh, dis-le en guinéen, dis-le en guinéen. Diarama, on connaît Diarama. Ça ressemble un peu. C'est comment? Ça ressemble un peu. Ça ressemble. Arrête. Okay. Mais si, t'as pas vu. Bon, s'il y a quelqu'un, juste. Dis comment on dit? Je me rappelle plus, mais ça ressemble. S'il y a quelqu'un de Polynésie, de Tahiti. C'est Auréa, je sais pas quoi là. Ya, je sais pas quoi. Yamara. Auréa. Non, pas du tout. Je te jure, ça ressemble. Yamaya, ça veut dire autre chose. Allume les platines, dire n'importe quoi. HQ, tu dis des trucs bizarres. Yamaya, on verra. C'est au Japon ça. Maya la belle. Arrête tes conneries. Le hashtag Black M sur Skyrock. Vous balancez nos amis tahitiens ou polynésiens. Si vous pouvez nous filer un coup de main là-dessus. Comment on dit bonjour? Yamaha. C'est tout simple. Avec le hashtag Black M sur Skyrock. On fait quoi? On fait un petit live maintenant, Black M, c'était prêt? Ouais, vas-y. Petit live, petit freestyle, petit. Petit freestyle, ouais. Petit freestyle léger. Okay. Voir si je suis toujours dans le coup. Ah. Les groyeuses. Ça sort le 8 juin, CD, DVD. 8 juin à tous les Wattis soldats. Vous allez pas le regretter. Et le DVD, c'est un dream. Allez, on y va. Wattis B, section d'assaut, DJ HQ. T'es bien. Black M, à bout de bain. B, 1, 9ème zoo. 1, the P, the D, the G. Le 8 juin dans les bacs, c'est le Big Black M. Le 8 juin dans les bacs, c'est le Big Black M. 1, c'est le Big Black M. Ça fait. Yo, je connais pas le mur de 1. Je connais pas le mur de 1. Ça fait. Je connais pas le mur de Berlin. Chez moi, c'est le barrage 36. J'essaie d'être un mec sain, mais à chaque fois, ça tombe siff. Oh bordel, la musique là devient nocive. Résultat sur le terrain, j'ai les yeux plus gros que Ozzy. Ton rappeur est mouillé, mais ça vient pas de son maillot. Vérifie son puzzle, faible maillon. Oui, parfois j'attaque, hein. Vote tant les catins. Mon continent s'est fait Kenny, y'a que de la merde sous le sapin. À Paris, l'homme est mignon, il porte des anotis. Il pense ou espère briller comme un diamant Swarovski. À côté de la placa, un de la vraie baraka. Ma façon de voir les choses me pousse à faire des sons qui fracassent. Toi Renaud toi qui a flopé, je m'en tape, get the fuck out. Aujourd'hui tous les négros sont matrixés comme moi qui a flaca. Atita mi hola bé, poto tita vient pas de la baie. Ils font la guerre, moi je veux la paix, oui mon label c'est le Watibé. Pas de lampe d'Aladin mais une inspire de malade. J'ai le flow qui les met tous mal à l'aise, qui me vient tout droit de l'époque la S. qui peut m'arrêter? Tu peux me trouver sur ma route ou alors à la récré. J'assume tous mes morceaux, tes types dans sur mes sons. Oui ça va tes rappeurs kick, mais moi je fais des soumissions. Depuis le temps qu'on est là, depuis la terre du milieu, ils veulent tous le retour des rois, moi je veux juste péter mon million. Ça kick avec orgueil, sous prétexte qu'il n'y a pas mort d'homme. Et quand il y aura mort d'homme, tant pis on sera tous en deuil. 1. J'ai les flots que t'as pas, obligé de revenir faire du sale parce que tes fautes m'agacent. 1. Sache que la rue c'est pas ton tiexon. Et puis on ne vient pas tuck parce qu'on a écrit 2-3 textes sombres. J'suis remonté parce qu'ils veulent tous me descendre. Tous dans un trou noir parce que le black est omniprésent. Tous cherchent la bête noire pour que le black soit méchant. Touf ta putain de gueule mais en cachette tu t'échants. Clashez-vous, moi je veux juste remplir mon frigo. Allez-y faites les brigands, vous n'avez pas le niveau. J'rappe ça vient des petits, sales sont tous mes peuclis. Braille je m'en tape de ta rage, ça c'est mon délire. Surtout quand je gagne, le game c'est une fume qui vient d'avoir ses ragnagna. Hey yo, what's up, j'ai plus de flow que ASAP. Du sang d'MC sur les sables, j'continue quand tu me dis stop. Pour t'y faut que tu ressembles à Aisha, non pas à Negeisha. Même si Starfall à ma tête se retourne sur les geisha. Putain de péché, j'suis sur le deuxième bon mal. Shaitan fait tellement bien les choses que mes fans ils trouvent ça normal. Le daron il kiffe, oui il a réussi. Sa fille s'est paniquée, son fils s'est paniqué. J'vois que vous paniquez, or c'est pas fini. Dadju Aboutal, boum, indéfini. Voilà tes gars sont pas gang, demande à Abou de bang. J'connais des barges des dingues, Pat qui bégaye. Oui quelquefois j'suis dans les soirées pumped up. Et quelquefois j'ai le point levé contre l'Europe. Bipolaire et j'te jure que ça me fait rep. Mais j'suis déter, ils mourront pas, je suis le fils de mon rep. Hein. Ça t'arrange de dire que je ne fais plus de rap, bâtard. Mais faire le quart de ce que j'ai F, tu n'en es pas capable. Pas de bagarre, je suis le nouveau king, nègue. Je m'accapare, le game et tous ces types, nègue. C'est pour mes cotes de ma Guinée et mes gars de Dakar. Oui, j'ai la cote, je sais pas si tu sais, demande au boy Dakar. 1. Je n'ai peur que du tout puissant. Attendez, des derniers jours, on verra bien si Bruce est si puissant. Vous m'épuisez tous, comment rester debout? J'ai pas la veste de bouse. 1. Vas-y, on s'arrête là, tranquille. Ouh, les gros yeux. Big Black Air. Le 8 juin dans les bacs. Fort, le freestyle à l'instant de Black M sur Skyrock. Merci. Et alors, je remercie tous les Tahitiens, tous les Polynésiens qui ont. Ah, ça, ils ont répondu. Ah, mais tout de suite déjà. Et putain, je crois qu'on est premier sur la Polynésie. Hein. C'est, oh, le carton. C'est où, Ya Orana. Voilà, Ya Orana. En plus, j'avais marqué tout à l'heure dans l'avion. Ça ressemble un peu. Ya Orana, tous les Tahitiens. C'était mortel, on reviendra en décembre. Tu parlais de Kulamaya. J'avoue, ça ressemble à Jarama. Ah, alors, tu vois, ça ressemble. Qu'est-ce qui se passe, Dawala? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Maintenant que tu l'as dit, maintenant il y en a qui disent ouais, ouais. Ma... Alors ça parlait de. Fred. Malaya. Fred. Malaya non, Yama, tout à l'heure c'était HQ. C'était HQ. Non, j'ai dit ça ressemble. Ah oui, ouais, ça ressemble. Si, ça ressemble, ça ressemble. Alors. Ouais, tu. Je pense à un truc là, une info très importante qu'il faut que je t'annonce. J'ai une grosse surprise que je vais t'annoncer durant toute la semaine. Une grosse surprise. C'est un gâteau au-dessus, tu mets une cerise. Non, mais t'es pas prêt en fait. Vendredi. Vas-y, je parle. Va se passer un truc de fou à Skyrock. Ici vendredi? Du jamais vu. Ici vendredi là. Donc, ici, ici même. Ici même. Ici là même. Là. Ici même le rap français. Fini. Viens, Steve, viens, on parle. Ah, c'est mieux. Il va se passer quoi? Tu veux surprise? Surprise. Va avoir... Toute la semaine, hein, attention Skyrock, c'est une grosse annonce à Skyrock, tous les auditeurs de Skyrock. Là, on est lundi aujourd'hui, vendredi il va y avoir une surprise. Je pense que ce rap français n'est vraiment pas prêt. Je pense que tous les Wati soldats seront branchés sur Skyrock à 20h vendredi. Et toi aussi Fred. Ah là non mais là mais moi je poteau. Je peux pas c'est rester la comme rue, ça. Là. Que vas-tu? Ah non mais c'est une surprise. Je sais quoi, que c'est une grosse surprise. Je suis obligé de les inviter, je suis obligé de l'annoncer dès lundi en fait. Et tellement ça va être lourd. Demain je vais te le dire la même chose, mercredi pareil. Mais alors jeudi on saura au moins ou non. Ou on saura le jour même. Vendredi à la dernière minute tu sauras. Et mais bon. C'est vraiment un truc de ouf. Et je suis pas au courant, je vous jure que je suis pas au courant. Je sais que t'es pas au courant, je te l'ai pas dit. Non mais on pourrait croire qu'on fait une mise en scène, un truc. Mais ah non, pas de mise en scène. Je suis au courant de rien. Mais vivement vendredi. J'ai envie de te dire entre 20 et 21. Bon, d'ici là, on passera du bon moment avec Black M qui est là tous les soirs entre 20h et 21h. On fait tourner la roulette, c'est parti. Yes. Skyrock t'offre le nouvel album de Youssoupha. Plus 50€ de chèque cadeau. On vous met bien, non? Salut Marie. Salut. De Saint-Gratien, Marie, comment ça va? 9, 5. Ouais, je te présente Black M qui est là toute la semaine avec toute l'équipe. Salut à toi. Salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Très bien. Marie, est-ce que tu as vu Black M en concert? Non. Mais tu pourras te rattraper dès lundi. Dès lundi. Oh, la vie, c'est le feu. CD, DVD dans les bacs dès lundi. Pour ceux qui ont prévu, qui n'ont pas eu de place, c'était complet un peu partout en plus, donc c'est compliqué à avoir des places. Dès lundi, il y a le CD, DVD qui sort et Marie, n'hésitez pas. En plus de ça. Tu viens faire tourner la roulette avec Monsieur Youssoupha à l'intérieur. Il y a 50 euros en chèque cadeau à choper. Il y a l'album Négritude. Youssoupha, mon gars, sûr. Et c'est déjà pas mal. Bon maillot musique. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti, Marie. Oh, le petit stop de début de semaine. Hein. Oh. Marie, je suis dans le bus. Eh bah alors, raison de plus. Dans le bus. T'es sur quelle ligne, Marie? De quoi? T'es sûr, c'est toi qui pilotes le bus ou... Je suis dans le bus. Ou tu vas chez toi ou tu rentres à la maison? Non, je vais voir des bêtes. D'accord, c'est quelle ligne? 256. Voilà, bah si vous croisez quelqu'un qui va être contente avec ses 50 euros chez cadeau, ce sera Marie. 50 euros pour toi, on t'envoie ça à la maison avec l'album Négritude de Youssoupha. Merci. Bisous Marie, bon voyage. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao sur la ligne 256. Merci. Ciao, ciao Marie. Merci Black M pour cette première soirée. Merci à toi Fred, merci Skyrock, merci à tous ceux qui bon nous retour soutiennent. Parmi nous ici en métropole. Merci. Ouais, en même temps, tu reviens avec le soleil. Je crois que c'est canicule, c'est vendredi. 30. Ouais. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, genre 35 degrés vendredi ici. Hein. Ouais, il va faire chaud. Mais 33, c'est pas les 33, décors. Donc ça a baissé par rapport à il y a une heure. Tu es en débardeur comme dans le DVD. Ouais. T'as dit quoi? Tu viens en débardeur comme dans le DVD. Ouais, ouais. Voilà, ouais. Obligatoire. Et vendredi, donc la grosse surprise avec Black M. Vendredi, grosse surprise. Jeudi, le clip Black Shady en ligne sur www.wati.com, non? Exact. C'est ça? C'est ça. Ne bougez pas, il y a Difool qui doit être là dans le coin, je pense. Mais qui est là, voilà. Quoi? Bah, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon fidèle chevalier Romano qui est là. Waouh! Yeah, salut Black M. Ça va? Et toi bien? Très bien. Bon, bah voilà, une belle surprise encore pour Black M. Hein. Ah ouais, quelques de surprises. Le DVD, la surprise DVD. De vendredi. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Mais la moi surprise non plus, t'as pas eu d'infos toi. Bah non, je vais essayer de torturer Black M pour savoir plus. Vous allez être choqué, hein. On va peut-être l'enlever à la fin d'une émission, Fredo, pour en savoir plus. Ce serait bien. Ça va être difficile. Ah ouais, t'as accompagné en plus. Ah, je sais pas si t'as vu mon gars derrière. Oui. Il y a Badji. Les gars sûrs, faut pas toucher, c'est ça. Bon, en tout cas, vendredi, ça sera pour le Planet Rap. Et exactement. Puis, d'ici là, on te retrouve demain. Ça. Fred va te cuisiner demain, 20h-21h. Bonsoir. Yes. Tous les soirs. Yes, il va essayer de me cuisiner. Voilà. On ne lâchera rien. On va cuisiner un Black M ce soir. Merci pour tous les messages. Hein. T'as vu tous les messages pour toi. Il y a Kayleen qui laisse un message. Bonjour à Chapcassure. Voilà, d'accord. Bonjour à Alison. Bonjour à Com. Bonjour à Rabi. Gabi également qui est là. What is so date? Tu vois, c'est de la folie. C'est Black M. Merci à tous. Et c'est demain dès 20h sur Skyrock dans Planète Rap, pas loupé. Merci Fredo, merci Black M. Merci ciao, à vous. Ciao. Bisous. Et puis nous, bah, c'est parti. Bisous. Coup d'envoi. Coup d'envoi avec. Tiens, Rihanna là pour démarrer la soirée. On se fait Bitch Better Have My Money. Ça, c'est pour démarrer cette soirée. La Marie est là, Samy aussi. Ouais. Les autres sont en train de s'installer. Romano, fidèle au poste. Et vous toutes en direct jusqu'à minuit sur Skyrock. Si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous, on vous attend. On a plein de choses à vous dire aussi. Parce que nous aussi, on a des surprises sur ce qui va se passer cette semaine dans la Radio Libre, même si on sait jamais tout, hein, ce qui se passe dans la Radio Libre. Parfois, on prévoit un truc et ça se passe pas comme prévu. Ouais, puis on a des surprises nous-mêmes, en fait. Exactement, Marie. C'est ça qui est super. Vive la live, vive les surprises. Et retour demain, Fredo, 20h-21h. À pas louper avec Black M. Black M et Rihanna, c'est tout de suite sur Skyrock. Ça va être même tout de suite là maintenant. Tout de suite pour démarrer la soirée. Bitch Better Have My Money, le gros son de Rihanna sur Sky et la grosse radio libre qui démarre en direct jusqu'à minuit. Merci Fredo, merci Black M. Ciao. Tous les soirs de 21h à minuit, ils s'animent la